Cinquième partie, chapitre 8, de l'introduction à la vie dévote. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet, ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Sonia. Introduction à la vie dévote, par saint François de Sales. Cinquième partie, chapitre 8. Affections qui doivent suivre cet examen. Après avoir reconnu où vous en êtes, excitez votre âme à ces affections. Si vous avez fait quelque progrès, remerciez-en Dieu, quelque petit qu'il soit, et reconnaissez que vous en êtes uniquement redevable à sa miséricorde. Humiliez-vous fort devant Dieu, protestant que si vous n'avez pas beaucoup avancé, ça a été votre faute, parce que vous n'avez pas correspondu avec une fidélité courageuse et constante à ce qu'il vous a donné d'inspiration, de lumière et de bon mouvement, soit en l'oraison, soit ailleurs. Promettez-lui de le louer à jamais des grâces par lesquelles il a opéré en vous ce petit amendement. Demandez-lui pardon de votre infidélité. Offrez-lui votre cœur, le priant de s'en rendre maître et de le rendre plus fidèle. Invoquez la Sainte Vierge, votre ange, les saints, principalement votre patron, Saint Joseph et les autres. Fin du chapitre 8, cinquième partie.